Ok, vous êtes prêts les petits? Yo. Yo, salut Challenge. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, c'est quoi la thématique aujourd'hui? La thématique, c'est on sort sur l'actualité et on expertise. Ah, expertise. Ça va expertiser. Et vous faites quoi comme expérience? Faut arrêter de rigoler. Expertiser les expertises, quoi. On va jouer les experts un petit peu, tu vois. Comment ça? Comment ça? Disons, c'est de nous saucer. En fait, on a un invité surprise. Ah, c'est qui? Bah, c'est la surprise. Mais moi, je serai pas là. Tu veux rester? Je peux pas rester. Dommage. Bon les gars, à la semaine prochaine. On prend la suite, c'est Tortelière Batax sur le Radio Panique, le 105.4. Yeah. Reste en ligne. Yeah. Yeah. Yeah. Here we go. Tortelière en Batax. Tortolini et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonsoir Bruxelles, bonsoir Arbatax. Bonjour, bonjour, salut Tortoli, salut chers auditeurs, vous êtes bien connectés sur le 105.4, c'est Radio Panique, vous nous suivez aussi peut-être en streaming sur radiopanique.org, c'est ça, c'est la technologie, et en parlant de technologie, cette semaine, cette émission-là, maintenant tout de suite en live and direct, on est à faire du gros, qui va expertiser à mort, l'expertise de l'expertise, on va jouer les experts, ma gueule. Les experts, puisqu'on reçoit un expert, l'expert des experts. Oh, ça va claquer. Salut, moi c'est Pierre, je suis l'expert. Voilà. Salut Pierre. Présentation. Commence pas à m'enlever de lettres. Ah ok. Ah d'accord. Mais t'as pas un petit blaze? Je veux dire, comment on t'appelle sinon? T'as pas un blaze au niveau hip hop et tout? T'as pas niveau un blaze? Hip hop, mon blaze c'est Pierre, P-I-E-2-0. Commence pas à m'enlever de lettres, tranquille. C'est tout. D'accord. Très bien. Bon, tu vas. Et voilà, c'est parti. Bienvenue c'est... Pierre. On balance les experts. Ah oh bah je crois que c'est de circonstance. De circonstance. Les experts, c'est le générique de la semaine. Restez connectés, il y en a pour 60 minutes. Du bonheur, du gros son, ça va expertiser, t'inquiète. Bernard Minet, Jason Derulo, Marc Dutroux et Loana. Au monde, ils ont tous répondu oui à une interview exclusive sur Tortoli et Arbatax. Direct depuis New York City, tes artistes préférés seront là, en live, rien que pour toi. Les plus gros DJ en set exclusif, c'est surtout du hit. Toi petit chat, toi petit chat, chat, chat, chapeau de paille. Hit. Petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Hit. Je me sens définitivement comme une bombe triste. Radio Panic, Radio Panic. Hit music only. Oh yeah, I used to know Quinnen. Et vous êtes de retour sur Tortoli et Arbatax. Cette semaine, nous sommes avec Pierre. Pierre, notre expert. Pierre, alors Pierre, à quoi ça ressemble hein, Pierre, que je vous dise un petit peu indirectement. Pierre, c'est... On va le décrire physiquement. C'est bandana, hein, c'est bandana tout de suite. De rigueur autour du cou. Obligé. Barbe mal rasée entre 2 jours et 2 mois. Verre sans lunettes, bien évidemment. Ou lunettes sans verre. Ou l'inverse. Peu importe. Tranquille. Et puis voilà, voilà, j'imagine que... Enfin, en tout cas, ceux qui connaissent un petit peu le cinéma asiatique et la musique d'Europe de l'Est, le connaissent, c'est tout ce que je peux dire. Une question d'affinité et de circonstances, tout ça. C'est ce que je peux dire. On va peut-être révéler l'identité en fin d'émission, on verra. Ah, on oui, verra selon. C'est selon. Quelques indices peut-être seront semés ici et là durant l'émission. En tout cas, c'est une émission spéciale expertise. Ça va expertiser quoi? De la musique, du cinéma, de l'actualité surtout. On va demander l'avis d'experts à chaque fois. Direct. Surtout, par exemple, là, sur cette phrase là que je viens de dire. Voilà, c'est ça, c'est la caution scientifique de l'émission. Je suis là pour un petit peu rétablir la vérité. Marre d'entendre du blabla, des conneries, n'importe quoi. Ici, on est là pour dire a du flow qui balance à fond. Enfin, enfin, doivent se dire une grande majorité d'auditeurs. Retour, retour. Attablissons. Et ben, on va commencer direct par une expertise ragamuffin. Mm-hmm. Un petit Pouparico. Pouparico. Ah oui, à l'ancienne. Voilà. Tu peux nous donner des nouvelles de Pouparico? Pouparico qui sombre dans la banlieue parisienne. Il semblerait qu'il ait arrêté la musique définitivement suite à des échecs commerciaux répétés. Malheureusement, on ne peut que regretter car Pouparico c'était quand même 93-95 la grande époque. On se la donne sur l'album du même nom, on se la donne, il me semble. On a des news fraîches de ce bonhomme. Il aurait acheté une Mégane, il aurait acheté. Ouais, je crois qu'il est sur un plan bagnole. Okay. Il est sur un plan bagnole, pas dégueu. Bon. Ça va. Après, j'ai pas envie de cramer son truc, mais c'est une histoire d'eBay hongrois et tout. Je crois qu'il est du lourd. Ok, très bien. Tu vois. Grosse actu pour Pouparico qui va tout de suite nous ambiancer avec le morceau Mashup disponible sur l'album On Stadium. Ce sera suivi par, par une petite surprise. Ne vous inquiétez pas, on en reparle. T'inquiète, t'es branché sur le 105.4, ma gueule. 105.4, mon pote. L'homme s'appelle Rico, mashup. Rico, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Vladivostok sur les ondes sur Radio Panique, c'est Tortolière Batax. Le morceau s'appelle Vraiment pas sympa. Et qu'est-ce qu'il en pense, notre expert? J'en pense que nous sommes ici sur quelque chose de particulier, puisque c'est une diffusion d'un morceau assez rare sur nos ondes. En effet, il s'agit de. Vraiment pas sympa, ah ah. Vraiment pas sympa, vraiment pas sympa, ça c'est vraiment pas sympa, vraiment pas sympa, ah ah, vraiment pas sympa, vraiment pas sympa, ça c'est vraiment pas sympa, vraiment pas sympa, ah ah, vraiment pas sympa, vraiment pas sympa, ça c'est vraiment pas sympa, vraiment pas sympa, ah ah. Oh merde! C'était vraiment pas sympa! Vous êtes vraiment, de retour sur le canapé avec Tortolière Batax et Claude, notre expert ce Claude soir. Expert. Claude expert! C'est la UDE! Il ne vient pas de Bruxelles, mais il vient expertiser quand même, il vient voir ce qui se passe. Oh non! Alors forcément, Claude expert a un petit avis d'expert sur le titre qu'on vient d'entendre, avec le morceau vraiment pas sympa. Je pense que c'est quelque chose de correct. Quelque chose d'autre à rajouter peut-être? Ok, merci Claude! Non. C'est très sympa de ta part, Claude. Tu n'hésites pas à parler quand tu as envie de... Pour dire des choses d'un intérêt douteux. Voilà, très bien. C'est la vidéo. Est-ce que l'expert connaît cette petite musique derrière? Oh mon dieu, ça ressemble à un chiffre de lettres. Ah oui, je m'abuse, oui. Docteur m'abuse. Ah, bien vu. Mais... Correct. Et qu'est-ce que c'est? Bonne réponse. Voilà, et qu'est-ce que ça signifie cette petite musique dans Tortolière Batax? Je crois qu'on serait sur l'expression de la semaine. Voilà, c'est ça. La chronique de l'expression de la semaine. Comme toutes les semaines, Tortoli et moi-même, Arbatax, nous défendons une petite virgule lexicale de la langue française. Point à la ligne. Voilà, pour nous remémorer toutes ces bonnes expressions, ou innover, j'ai envie de dire, puisque parfois c'est innovant, enfin parfois. Et voilà, parce que des fois c'est un peu vintage, j'ai envie de dire, surtout du côté de Tortoli. La semaine dernière. Oh là là là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te coupe le micro dès que je veux. Tu voulais parler? Tu voulais dire quelque chose? Ah bah je... Oh, pas mal. Voilà. Okay. Ah bah, je profitais que t'étais sous le capot là de ton ordinateur en train de changer une bielle pour rappeler justement que la semaine dernière s'affrontait du côté de Tortoli. Il défendait l'expression morte couille. Exact, voilà. Exact, voilà, exact. J'annonce tout de suite qui a récolté donc une voix. Aïe aïe aïe. Et moi je défendais donc les terminaisons, hein. Comment on appelle ça quand on met la terminaison d'un suffixe. Le suffixe, voilà, le suffixe as que tu peux rajouter comme bon te voudras à la fin de tes mots, à la fin de tes phrases. Sans voilà. Problème as. Sans problème as, ma couillasse, je vais me taper une petite clopasse. Voilà, donc c'était ça le principe et j'ai récolté 4 voix. Bon, j'aime pas annoncer ma victoire moi-même, mais quand même. Faut bien qu'il y ait Moi j'aurais plutôt dit applause. Ah non, ça marche pas. Ah yeah! Tu vas avoir ça quelque part? Ça balance du sample à mort, les gars. Non, mais je suis entouré de collègues. Mes collègues sont des sampleurs en fait. T'es convaincu là? Ouais, super. C'est ton expression, la morte coup, tu peux la remettre encore, vas-y. Ok! Qu'est-ce qui s'en est dit pour la suite cette semaine? Alors cette semaine, tenez-vous bien. Peut-être que l'expert aura une suggestion, quelque chose à dire. Avant même que je te coupe le micro. J'ai fait plancher un groupe d'experts sur la question pour dégoter l'expression de la semaine qui serait sûre de récolter un maximum de suffrages. Bien sûr. Je vous la présente en deux mots, c'est ça? Non, trois si tu veux. Ok, tranquille. Alors, l'expression de la semaine, c'est une expression de cordialité pour acquiescer d'une situation de choix. Par exemple, tu veux prendre une bière ou plutôt du vin, t'es pas sûr. L'expression de la semaine à passer est « Oh, on va pas s'engueuler pour ça !» Voilà, tranquille. Voilà. On va... Voilà. Pas mal. Il a essayé. Mais voilà, c'est un expert. On peut pas repasser derrière la vie d'un expert. Voilà. Donc c'est cette semaine, on a le choix entre trois expressions. Quoi. Il y a la tienne, Arbatax. Voilà, mais ne résume pas, alors que nous sommes encore. Parce que là, tu es en train de. En fait, tu synthétises tout de suite. Mais non. Je sais très bien que le débat, enfin, le duel va être entre l'expert et moi, puisque ton expression qui est assez minime. C'est ça, ouais. Bah, je te présente mon expression ou pas? Ouais, bah ça va, on va pas s'engueuler pour mais ça. Non. Alors moi, mon expression, c'est ignomini. Ignomini. Oh, j'ai l'impression d'avoir entendu ça tout le week-end. Qu'est-ce que c'est que ce son? Quelle horreur. C'est quoi ce son? Alors voilà, ça vient de... Bah balance tes sources, hein, vas-y. Je vais balancer mes sources, mais ouais. Fermez-la. Foi à l'Elysée. En tant que président, en tant que président du groupe, avec tous les présidents, dont le président de ton groupe. Pourquoi vous sentez-vous mal? Mais je me sens pas mal, je trouve ça ignoble de ta part. Daniel Cohn-Bendit. Tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président du groupe. Tu as été député européen. Tu sais ce que c'est. Futuring Béraud François. Voilà. Ignominie. Ça, c'est ce que je défends. Ignominie. Tranquille. François Bayrou, hein, on rappelle ses derniers scores électoraux. 3. Pas pour cent, hein. 3 voix, 3 bulletins. Parfait. Et si on faisait une émission politique? Et bah, si on en croit les résultats de François Bayrou, ton expression devrait, j'imagine, atteindre des sommets. Je vais demander un avis d'expert quand même face à cette expression. Ignominie, ça donne quoi en expertise? C'est vrai que l'usage d'un substantif là comme expression de la semaine, c'est plutôt bien trouvé parce que en effet ça peut se placer dans différents contextes, donc tant aussi bien une phrase à fermer. Merci, expert. Voilà, merci Daniel. Voilà, et moi je vais donc proposer la mienne tranquillement. Alors c'est. Il te reste 3 secondes pour réfléchir. Ah, mais non, mais c'est déjà tout réfléchi, t'inquiète. J'ai déjà fait ça tout le week-end. Ça s'appelle pétassé. Pétassé, ça, c'est un peu comme crâner, mais en plus drôle. Pétassé. Ah, j'ai un sample pour ça. Non? Je sais pas, une impression de déjà entendu. Je sais pas. Moi, parce que j'y vais plusieurs fois. Moi. Voilà, donc ça s'appelle pétasser. Tu peux aller pétasser en terrasse, tu peux aller pétasser sur la côte le week-end, tu peux aller pétasser à Deauville, à Saint-Tropez, tu peux aller pétasser rue Neuve ou place de Brouckère, tu peux aller pétasser où partout tu veux. Va te la péter, va pétasser. Voilà, c'est l'expression de la semaine. Ignomini. Et il vous reste plus qu'à voter. Ça se passe de deux choses l'une, que ce soit tout clair. Ça se passe sur Facebook. Facebook expert. Est-ce que l'expert a quelque chose à dire sur Facebook? Que vous votiez sur Facebook ou sur Gmail, je pense qu'on va pas s'engueuler pour ça. Elle est belle. Ignomini. Elle est belle, bah voilà. Ça se passe sur tortoliherbatax@gmail.com ou ça se passe sur Facebook. Nous, on vous remet la petite session de l'expression de la semaine, la petite chronique. Vous commentez juste en dessous, vous envoyez vos votes. Tranquille, quoi, tranquille. Vous pouvez sortir nu de la salle de bain. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ignomini. Voilà, bah on va passer à la musique parce que là c'est la fin. C'est la fin de cette chronique expression de la semaine. Salut, moi c'est Ignomini. Oh merde! Passons à la musique. La musique c'est Flying Poo et ça a été diligenté, ça a été commandé par notre expert. Constantin, peux-tu nous dire Flying Poo, c'est quoi le. Flying Poo, c'est un groupe parisien originaire de Montreuil, me semble-t-il, qui est mort malheureusement car c'est un groupe génial qui fait de la musique fort. Génial! Fort cool. Ignominique! On rappelle. Puisque nous sommes ici, donc. C'est heure de. Majorité francophone, je traduis Flying Poo, hein, le caca. Volant! Merci, voilà, c'était une petite parenthèse. Je referme la parenthèse. Allez. On écoute Hush sur l'album Viva San Antonio, sorti en 2002-2003, c'est pas tout récent tout ça. Ça commence comme ça. Ça va très très vite aujourd'hui. They keep on running off to me. Philosophie, la musique techno et Montaigne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir. Tortoli et Arbatax, c'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est formidable. לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש שיהיה פה חם לאללה. תגיד לי משהו, תנזוק, תשפיץ, תקפיץ, אני רוצה שכל מי שנכנס יוציא את המיץ. לא מספיק שיש לך את החשק לכופף את הברכיים, להוציא את הידיים מהכיסים אל השמיים. היי, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נראה שזה הולך להיות עניין של דרך קבע, וכל הגוונים עובדים באושר על אותו הצבע, כנראה בטבע וכנראה בתדרים. משהו פה מוצאים מאיתנו רק דברים טובים. שמח, קולח, רותח, צומח, שולח, פותח את הראש. אני רוצה לזוז, רוצה למכור הלילה. כן, אני רוצה לזוז, רוצה לעוז אל תוך הלילה. לא רוצה למלחמה, לא רוצה למשטרה, אני לא חייל בשביל שלא תפקי לי ילדה. לא רוצה חיים בעצב, עדיף לזיז את התחת ולחיות חיים בקצב. לא רוצה רגשי אשמה, בשביל מה טוב למות? בשביל מה? טוב לחיות בעד עצמנו, טוב לרקוד בשתי רגלנו, טוב זה מה שמרח לי חיוך על השפתיים, טוב זה לקום בבוקר ולפתוח את העיניים. טוב כבר דיברנו יותר מדי, דברו אליי עם הגוף, זה הרבה יותר כדאי. זה יעשה את מה שזה צריך לעשות, אתה תראה את כל מה שאתה צריך לראות. תתקרבי אליי כי אני רוצה לרקוד. Boom Pam avec Annie Rodzepadzou. Je l'ai bien dit ou pas, l'expert? Exact, parfait, parfait. Featuring Thomas Youssef de Balkan Beatbox. Est-ce que vous voulez écouter la fin? Ouais, ouais, vas-y. Oui, אני רוצה שכל מי שנכנס יוציא את המיץ לא מספיק שיש לך את החשק לכופף את הברכיים להוציא את הידיים מהכיסים אל השמיים אני רוצה לזוז רוצה לקרוא L'agenda culturel. L'agenda culturel. C'est ça. Attendez, j'ai quelqu'un au téléphone. Ah non, c'est bon. Fédère. C'était donc Boom Pam avec le titre. Ani rotse la sauce. Ani rotse la sauce. Ce qui veut dire fais péter le galak. Voilà, en hébreu. Exact. Fais péter le galak, fais tourner à tes copains, tes copines. Tranquille. Tranquille. Tes coquines. On est toujours en direct avec l'expert, Marcel Expert. Dominique. Marcel, MRCEL, comment ça m'en Il essaye d'atteindre quelque chose avec quelqu'un. Et on veut dire pas quoi. Tranquillement, tranquillement. Un petit bilan à mi-émission, l'expert, comment ça se passe? Un petit bilan à Miami. C'était que là, une question. Là, le devis, on paye, hein, Tortoli, je sais pas si tu sais. Ah donc, oui, non, fais l'expertiser. En plus, il est chéro, hein. Il est à 12 dollars, ce bâtard. Chéro. 12 dollars ou 12 dollars? 12 dollars. Que, okay. Que puis-je faire pour vous? Douleur. Que puis-je faire pour vous? On voudrait un bilan chiffré, comptable. Une... Alors là, si Excel. Je fais le bilan, donc nous sommes à mi-émission, nous avons perdu 53% des auditeurs, ce qui n'est pas étonnant vu le taux de dope que vous. Oh là là. Oh là là. Une émission qui va vite, une émission cohérente. Une émission cohérente. Jean-Pierre Expert qui ne finit pas ses phrases, j'ai l'impression. Non mais c'est pas ça, mais c'est que vous me laissez jamais le temps, vous pouvez avec un... Ok. Ok, merci Béranger l'expert. Nous allons donc passer à l'agenda culturel. L'agenda culturel, donc, on rappelle les petites sorties de cette semaine et de ce week-end sur BXL. BXL Capital, la belle Capital ville. Notre belle ville. Voilà, bah, ça va se passer peut-être... J'aime que Capital. Est-ce que tu veux... Donc, on peut se remettre le générique, hein, pour histoire d'être, histoire que tu sois bien en forme. Parle, vas-y, vas-y. Alors là, on révise. Écoute bien l'expert. Écoute ça. L'agenda Q. L'agenda culturel. L'agenda culturel. Alors voilà. Tu vas nous présenter tout ça, mon petit Arbatak, je te laisse le faire. L'expert, là, il arrête pas de répéter ce qu'on dit, là, tu... il est disons, fatigant. Les frères Mickey, là. Oh. Alors, Guimette est-elle parmi nous aujourd'hui ou pas? Ce soir juste après. T'as pas envie de l'écouter? Ça va, j'ai... Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Ah, voilà, ce soir. La prochaine fois, tu lui diras qu'elle lève la main avant de prendre la parole. Lève le doigt. Ensuite, mardi, niente, nada. Ah ouais, déjà. Si, moi, je prends le covoiturage. On s'en fout. Notre expert prend le covoiturage. Très bien. Très bien. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Mercredi 18 mai. Eh ben, rien non plus. Ah bon? Ah, t'inquiète pas, ça va être expéditif. On est large, hein, cette semaine. D'accord. On est large. Parce que moi, je pensais à même prendre un café avec l'expert. Un expert qui expédite. Ah non, pas le temps. Oh, nickel. Pas le temps. Dominique Expert. On file. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, oui. J'ai un plan jeudi sur Paname pour tous les on shows. On s'en fout. On zappe. Vendredi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Ah, vendredi, j'ai un pur plan sur Rouen. Non, vas-y, zap, zap. Dis-nous, peut-être, Arbatak, t'as quelque chose, toi? Non, attends, Rouen, ça m'intéresse, c'est quoi le concept? C'est une connerie. Ah, Roi, qu'est-ce que tu crois, il se passe rien, Roi. Ça va, oh là, petit brachant. D'où t'as vu? Ah là là, les petites vaches mêlées de Normandie. Bref, on en est où là? Je sais plus du coup. Vendredi. On est à vendredi, vendredi. Vendredi, on sera le 20 mai, bien sûr. Il y a les soirées anti-tapas, hein, anti-tapas night. Yeah! Anti-tapas is back. Yeah! Voilà, c'est tout ce que j'ai. Vendredi aussi, une petite soirée dans le cadre des nuits botaniques. Faut savoir ce que tu fais avec ta masse sur ton t-shirt. L'expert a l'air outré. Je suis tout le temps comme ça, L'expert est outré. C'est vrai qu'il nous manquerait la tortelière Batax TV, quoi. Ah, il y a une caméra qui rôde. Ah, il y a une caméra qui rôde, ok. Tu peux parler devant le micro, si tu veux. Il y a une caméra qui rôde, t'inquiète. Très bien. Ok, dans le cadre des nuits botas, je disais donc. Arrête de pétasser, toi, l'expert. Il y aura donc une petite soirée un petit peu folichon, un petit peu ignominique, puisqu'il y aura la présence des petits pilous de Spunk Rock, des Party Harders, de Amanda Blanc et de Noisia. Nausia, des Hollandais, hein, des Hollandais qui quelque chose de concret, voilà, qui sont dans le un petit peu dans le domaine du dubstep, des Bataves, c'est ça, des vrais Bataves, voilà, et il t'en coûtera genre 18,75€ pour être précis, TTC. Ah attendez, question pour l'expert, 18,75€. En franc? Ça va, honnête ou pas? En franc, 18,75€. Attendez, ça doit faire dans les, si je me trompe pas du tout, 113,28€, je crois. Ouais. 113 francs, du coup. En euros, CFA. Tout le monde aura compris. On est sur un succès. Tout le monde aura compris. Voilà. Donc continuons sur ce Noisa. Oh vas-y. Nuit botanique. Non voilà, c'est Noisa, fini, voilà, mais on les a déjà passés dans l'émission, y a qu'à retrouver dans les archives. Pas de soucis, donc ça c'est vendredi, on passe au samedi. C'est ça. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever. Samedi 21 mai, 21 mai, je sais pas ce qu'on fait. Tiens, si, j'ai peut-être ça là. Je travaille, c'est le week-end. Y a pas une... Ah non, je n'ai plus. Je ne sais pas, ce sera la samedi. Bruxelles, il ne se passe jamais rien, c'est pour ça que moi perso, j'habite pas ici. Oh là là, on s'en fout. Ce sera la Saint-Expert, donc on fêtera tous les experts. Bonne fête. XPERT, commencement des lettres. Et donc samedi, ça commence par le One Love Fest, donc sur le thème du reggae, ça se passe au Culture Café, c'est sur la plaine de l'ULB, hein, de la VUB même, je ne sais pas exactement comment on doit... Campus de la Plaine. Voilà, Campus de la Plaine, tout simplement. La coupe voilà. Plaine. Et au One Love Festival, il y aura Ras McBean, un artiste émergent de la scène reggae française. Voilà, un artiste plein d'avenir. Et donc voilà, c'est tout, ça ira jusqu'à tard dans la night, enfin ça, pas besoin de le préciser. Je peux peut-être ajouter qu'il y aura aussi tribute to Bob Marley par des artistes et des sound systems internationaux, donc là ils sont pas fait chier à préciser. La bière sera à 1,60€. Ouais, de la bière. Oh, yeah. Voilà, et notre expert semble apprécier la bière de cette nouvelle. Comment? Ça fait plaisir. Il y aura aussi au Mirano Continental, Chaussée de Louvain, pas très loin de nos studios. Ce sera Chinese Man. Ah, c'est confirmé cette histoire parce que j'avais entendu parler d'une annulation. Mais comment tu lances la rumeur? Je sais pas. Je crois que c'est annulé. Mais j'ai tweeté. On a notre expert ici, Claude. Ouais, tout ce qui touche à la rumeur. Donc c'est vrai qu'on a vu récemment les développements de ce genre d'activité. Donc c'est vrai que parfois l'information n'est pas vérifiée, n'est pas sûre. Donc dans le doute, on préfère plutôt ne. Quid de Dominique Strauss-Kahn et ses rumeurs? Ah oui, ça. On avait dit qu'on en parlait pas. Pourtant, comment ne pas. Ignominique Strauss-Kahn. Voilà, donc pas de rumeur, donc nous allons prendre le principe de précaution. Je parlerai donc au conditionnel plus que parfait. Oui. Il serait donc possible, dans l'ordre de l'imaginaire, que Chinese Man soit programmé au Mirano Continental ce samedi pour la sortie de son album et dans le cadre de la tournée équivalente, accompagnant la sortie de cet album, s'appelle Rising with the Sun. Voilà, et donc. Excuse-moi, l'expert, tu peux. Donc voilà, bon, par contre, je pense que c'est sûr, c'est confirmé. Tu peux arrêter, l'expert? Pas de blague. Merci. Ah, ça y est, ça confirme, c'est bon ça. Donc, je reprends le présent. Il soit possible que tu doives ramener quelques dollars, quelques roros, pour pénétrer dans l'antre du Mirano Continental. Voilà, on passe ensuite du côté de Madame Moustache, quartier Sainte-Catherine. Il y aura la soirée tropicale, c'est la numéro 11. Je sais pas, on n'avait pas vu les 10 premières, mais bref. Funky Tropical. Voilà, ouais, soirée tropicale, il y aura Funky Bompa. Et puis, on finit l'après-midi à partir de 17h, hein, toujours samedi. Si tu veux les pétasser du côté de la place Maurichard, du côté de 1060 Saint-Gilles, à Saint-Gilles South. Bonne promo. Voilà, c'est la fanfare. Et là, ça s'appelle Maurichard en fanfare. Il y aura Maguaré qui fait de la cumbia. Il y aura Odemba, OK Jazz. C'est de la rumba. Et puis voilà, il y aura du folk, du néo-traditionnel. Ouais, enfin, tout bref. Ça, on va pas s'engueuler pour ça. Voilà, enfin, tout ça. Des babos qui font des cuivres, quoi. Voilà, de l'ignominie. Je déteste les mecs qui font des cuivres, d'ailleurs. Mais moi, j'aime pas les babos. Ok, on passe. T'as encore quelque chose de samedi? Non, non, ça va, c'est bon. Ça te dérange pas si je parle comme ça? Pas du tout. Eh ben, on va passer au dimanche. Ouais, ouais, les ouais. Les gars, à partir du dimanche et la semaine d'après, il y a des trucs. Ouais, laisse béton. Y a des trucs? Oh, non. Moi, le week-end, je travaille. Alors, le week-end. Renault Expert. Oui, RNID. Est-ce que une petite expertise, un petit bilan chiffré comptable de. Au sujet des sorties. Non, ça bouge. Cet agenda culturel. On sent qu'il y a un vrai travail de fond, puisque l'étoffement de l'agenda est notable depuis la dernière semaine. Parce que c'est vrai que j'étais resté sur une période un petit peu de disette, hein, comme on dit, il y a quelques semaines. C'était quand même pas la folie au niveau des sorties, avec quand même pas grand chose d'annoncé. Mais maintenant, je vois que les satellites. Oh là, je me suis fait pull-upper par mon propre tube à pitié. Oh mon dieu, c'est hardcore. Ça s'appelle Boris Vian vient dans la piscine. Sans déconner. C'est ça l'expert? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah, cette. Allez. Reste connecté sur le 105.4, c'est Tortelier Rabat Tax, le morceau, c'est Boris Vian vient te bécoter dans la piscine, je sais pas quoi. Radio Panique présente. Tortoni et Arbatax. 01 47 20 0 0 01. Mommy! yesterday blonde, this bitch. I went from fuck all to so fucking hard right now. I'll put you in your place. Motherfuckers, look, fuck all me coming through, pumping you full of bass. Fuck rest of hex apocalyptic, fucking you in the face. Zef, cherries, you may speak me fucking all night. Fuck everyone, eyes in the prize. When I go for it, jug you love. Surprise me, you fuck off and die. Remind you of a much you saw. Everyone so fucking so. Yo, we be fit to fuck you up. Zef, that no more spit, gangster, no more income. Everything you rap about come through. If you got some freaking balls, remind your tongue when you rhyme on the drum. Come for all Biggie Smalls. I got a rock, if you motherfucker like a dog. Yo, is you ready for? This whole style take over, about to the fucking master. My slang is banging, I'm freaking the fuck out of myself. You are my biggest fan. Cause buddy, when you man down, no fucking hands out. When you really need a hand, machine gun rapper. Like a better motherfucker. Yo, I'm bigger than Kuz Kumbay, some awesome fucking puss. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. De retour, Tortoli et Arbatax, une spéciale expert, une spéciale expertise. Voilà, on est accompagné de François l'expert. Oui, FRNCOIS, bonjour. Ah, tu as l'air d'être présent, bien. Ouais, je suis là. Génial. Bien. Ça va, on est où sommes donc aux trois quarts de l'émission. Voilà. Voilà, je sais pas je si propose l'expert... qu'on parle tous les trois en même temps. Allez, alors, comme hier voilà, soir, c'est parti. Yes, vas-y. Alors, donc, vas-y, on a écouté vas-y, juste Boris Vian juste vas-y, avant, vas-y, et après, c'était justement j'en parlais. Je peux en placer une pour tous les autres. Et Big Boy, Boris Vian, bonsoir. Bonsoir. Pour tout le monde. Ok. Alors, je fais le résumé. Ça, c'est fait. Je fais le résumé. Donc, juste avant, ce qu'on vient d'entendre, c'était The Antwoord. Aussi dit. Die Antwoord, Afrique du Sud. Voilà, des Sud-Africains. Complètement fêlés. Et le titre c'était Evil Boy. Allez voir les clips. Ouais, c'est petit fat. Conseil, allez voir les clips sur Yourself, you know. Yourself. Et juste avant, c'était Boris Vian avec le titre Viens dans la piscine ou Viens avec moi dans la piscine ou je ne sais plus quoi. Loana, on va l'appeler comme ça. Je crois que c'est Viens avec un S. Hein. Voilà, très bien. Et merci. Ce titre est téléchargeable gratuitement. Oh merde! Ah, à partir de la page de Boris Vian, vous tapez Boris, B-O-R-I-S, Viande, juste derrière. Et Viens dans la piscine, téléchargeable gratuitement. On va mettre le lien sur Facebook. T'as vu? Et voilà! Et voilà, et comme ça, et bah, il va te faire un max de blé! Et ouais! Un 10 en bas de votre écran. Chers voilà. Téléspectateurs. Voilà. Voilà, ça c'est tout la ce que présentation nous est faite. Pouvions dire sur Boris Vian, enfin, ouais, tout, je ne sais ouais, pas alors, si. Je trouve déjà. Voilà, nous allons donc passer maintenant à des choses bien plus politiques, politisantes, puisque nous allons passer au-dessus de l'Atlantique et nous rendre du côté de New York et plus précisément dans le quartier de Harlem, cher Claude. Bon, il faut savoir qui c'est la rédaction. Il y a eu un petit peu d'actu, ouais. Il y a eu un petit peu d'actu ce week-end. Alors, Jean-Paul Expert, dis-nous tout. Bien sûr, la rédaction de Radio Panique qui a eu débat pour savoir doit-on pour en parler. La réponse s'impose d'elle-même. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Le voilà. Sujet. Cependant, le sujet, c'est celui qui est sur toutes les lèvres. DSK en trois lettres. En trois lettres. Comme qui dirait quelque chose de pas cool pour nos amis du PS. Donc, ce qui s'orienterait, c'est que. Nos amis avec des cheveux blancs. C'est vrai. Oui, non, c'est ça. C'est donc, ça. Bon, ah oui, c'est ça. Bien sûr, la retenue est de mise, hein, comme l'a précisé François Hollande. La retenue est de mise. Ouais, voilà, c'est vrai que bon, nous aurions pu partir, partir tout bras ouverts dans un DSK mix. Voilà, on aurait pu défouloir assez bas et. On aurait pu le faire, mais la présomption d'innocence est de mise. Hein. Il fait qu'on va, on ne le fera pas. On ne le fera pas ce DSK mix. On le fera pas donc. Ça baisser à ce genre de pratique. Voilà. Mais on peut pas non plus. Parce qu'il faut respecter. Parler, hein, c'est vrai qu'il faut respecter, laisser la justice faire son travail. Mais bon, quand même, si la semaine prochaine. Alors, si on l'avait fait, oui. Voilà. Ouais. Ignominiquement. Voilà, ignominique Strauss-Kahn. On peut faire un brouillon en fait de ce DSK mix, non? Disons que si on l'avait fait, ça aurait ressemblé à ça quoi. On aurait commencé par un truc comme ça. Bah, probablement. Oh Karine. Ophélia dans le contexte. Ah, ça va, toi ? Ouais, ça va. Dis-moi, tu viens faire un petit tour en voiture ou quoi ? J'ai des trucs à faire. Mais vraiment, ça aurait été douteux, je pense. Ça, on peut pas le faire. Arrête de marcher à pied, viens tester mes nouveaux sièges. Allez, je connais du monde ici, tu veux faire remarquer ou quoi ? Je sais, allez, mon. Ouais, mais on l'aurait pas fait. Non, impossible, impossible. Ça, on aurait pu mettre ça aussi. Non, mais ça aurait été un petit peu trop. On peut pas s'impliquer dans ce. Non, non, non. Je trouve ça déplacé en fait. Un homme à terre, faut pas, voilà, pas en rajouter. Bon. Enfin, ce qui paraît, c'est vrai qu'il veut un peu faire l'américain, mais bon. Apparemment, il l'aurait tombé. Ah oui, bah, c'est, oui, ça serait facile aussi. Ça, ça nous ferait marrer. Ça. Selon les premières dépositions que nous avons, il serait sorti de la salle de bain complètement dans, oui, dans le plus simple appareil. Ça nous ferait marrer, ça, évidemment. Je crois que ça va pas être possible. Pas être possible par les escaliers. Alors, oh là, là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, moi j'en ai rien à foutre. Allez, hop. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs. Ça, on l'aurait pas mis non plus. Ça, on aurait pas fait l'erreur, je pense, si on avait fait le DSK. Moi, je pense qu'on l'aurait fait. Hein. Je pense qu'on l'aurait mis, ça nous aurait bien fait rigoler. On aurait peut-être mis ça par contre, non? Ah, c'est sûr. Serge Gainsbourg. Ça, on l'aurait mis direct. Prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire, je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche, ma santé de rigueur, je te veux confier. On aurait peut-être mis ça pour finir. On aurait pu. À la fin du DSK Mix, on aurait peut-être mis. Je pense qu'on aurait fait ça sans hésitation. Ça va de soi. Les jours se répètent. Le maton, ton corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Alors, en fait, finalement, ce DSK Mix, il aurait pas été tout mal. Ah, il a eu... non, mais ça aurait été bien, en fait. Voilà, voilà. Ça aurait ressemblé à ça. Voilà. Ah, ça aurait pu... voilà. Mais la retenue nous. Ouais, voilà. Le principe, hein, toujours de la retenue. On peut pas non plus nous impliquer dans une affaire judiciaire en cours, et donc le DSK Mix n'aura donc voilà, pas lieu. Qu'est-ce qu'en pense Dominique Expert de cette. Dominique AUE, je pense que c'est dommage. Je pense qu'il y avait du potentiel pour faire une bonne petite séquence. Et bon, voilà. Après, je pense que vous pouvez remiser le principe au placard pour une prochaine accusation de peut-être quelqu'un de plus ou de moins. Voilà. Bah, c'est tout ce que nous pouvions dire. Enfin, c'est quand même un show de la bite, quoi. Ça, c'est. On peut pas. Ah, ça, on peut pas. Dérapage en direct. Ah, dérapage. Ah, non. Carton rouge Arbatax. Ça, j'ai pensé qu'on pouvait, parce que j'ai pas le droit. Non, c'est Jean. C'est juste sur le mot chaud que t'as. Oui, c'est vrai que. C'est dommage parce que. On dit beau. On dit beau. Bobit. Il est beau. Bilbo, le. Bobit. Bobit. Bobital. Très voilà. Très bon. Trois mots. On va se mettre un petit son, parce que moi je commence à avoir faim, alors on va se faire une kebab connection. Yo! Je peux annoncer si tu veux, c'est Dunkelbunt qui est un DJ autrichien qui fait du son. On t'a rien demandé. Vas-y l'expert, tu peux l'annoncer. Tu boudes. Notre expert boude. Ouais, non, c'est pas ça, mais c'est que je trouvais ça dynamique dans le contexte. Dunkel boot. C'est ça, tu l'as pas très bien dit, mais c'est ça en fait dans l'esprit. C'est pénible les mecs qui parlent par-dessus les morceaux, parce que moi j'aime bien écouter tranquille et tout. Ouais, non, mais alors que là ça braille par le pire. Heureusement qu'on est en antenne. On connaît pas trois, t'imagines, si on était trois. En plus, ce sera dit dans la playlist, enfin ce sera tout annoncé après quoi. Ouais, c'est comme si on n'avait pas besoin de lancer les morceaux comme moi, ça. Moi je me souviens au début quand j'écoutais la radio, il y avait des types qui parlaient par-dessus, mais ah ouais, l'horreur. Horrible. Attends, s'ils sont un, ça va, s'ils sont trois en même temps à brailler tout le temps, ça quoi, c'est les mecs qui font chacun. Il y a pas un système automatique quand on lance la musique, ça coupe les micros, je sais pas. Un truc. Si, si, bah là, à panique, on l'a le système, on peut parler, tu vois, il y a la musique qui défile. Non, il y a pas de. C'est vrai qu'on aurait pu. En fait, il y a jamais de voix en même temps. Nous, on parle en même temps, mais en fait, les auditeurs entendent une seule voix à la fois, c'est ça. Ouais, en fait. Ah, voilà. C'est cool. Putain. Non, ça, c'est bon. Mmh, c'est bien, très bien. Puis dès que la musique se lance, et bah, ça. Nos voix sont coupées. Ça coupe direct quand je joue. Bon, qu'est-ce qu'on se met après? Ah, c'est chiant cette émission. Hein. On se barre. Je sais pas. On peut se barrer quoi, parce que. Ah, puis l'expert, il est mauvais. Covoiturage à 19h en plus, bon, on n'est pas super large quoi. Eh, je fais un gros backspin d'enculé. Y'a quoi comme son derrière? Bah, c'est le classique hein. Ah, on a le temps, on peut tchatcher alors. C'est vrai que c'est le classique qui va arriver tranquillement quoi. Avec l'expert quand même, on aurait pu lui payer le Thalys quoi quand même. Faudrait qu'on invente une chronique express de 2 minutes là pour meubler. Ça pourrait être cool. De quoi on pourrait parler? De quoi on pourrait parler? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bibabi baboum. Oh, moi franchement, je suis pas en forme. J'ai bu trop hier, c'est saoul. Ah ouais? Moi j'ai pas envie de tchatcher. Ah ouais, moi je suis bien, peinard. Avec la politique, on est un peu grillé en ce moment, je sais pas, c'est autre chose quoi. Musique, on a déjà fait un petit peu musique, quoi. On a tout mis, alors du coup là si tu passes derrière le classique, c'est fini, on a tout passé. C'est ça. On n'a plus rien, on est vivé. Tu veux pas que je me gratte le nez là? Hein, faut qu'on rallonge un truc. Tranquille. Tu as pas le nez là, vu que je fais pas tes mains. Ah voilà. Oui, bah du coup, tiens, prends la caméra et gigotez un peu pour changer de plan. Tranquille, voilà. Et les gars, le morceau il finit dans 40 secondes. Ouais, mais vas-y, allume le micro, on va trouver un truc. Ouais, je fais un backspin et puis. Ok, ouais, on va trouver. 5 secondes. Allez, je le fais direct. Un sourire. De retour, Tortoli et Herb Attack. C'est ça. De retour, voilà. Nous n'étions pas vraiment partis. Non, mais hors antenne, on a discuté de plein de trucs. Voilà, je pense que c'est le moment pour moi de faire une petite discours de remerciement à Tortoli et Herb Attack. Donc cette émission est digne de louange. Vas-y, tu peux la faire. Voilà. franchement, ça fait plaisir. Tranquillement, quoi. Et je pense qu'il fallait vraiment des adjectifs, des superlatifs, des trucs. Combien de syllabes? 8. Je sais pas. Ah, le téléphone sonne. C'est vrai. Tu fixes. Bon. Donc bon, c'est vrai que quelque part on décrit souvent, oui, voilà, la radio actuelle, la radio alternative, manque de moyens, je vois les locaux de la radio panique, parce que bon, en tant qu'expert, j'ai forcément un œil, un regard sur ce genre de choses. Je vois les murs croulants, les peintures délavées, je me dis bon, il va être temps de faire quelque chose sur cette radio. Merci François Expert pour cette analyse. Envoyez vos dons, faites quelque chose pour tenter la Batax, qui puisse migrer vers une radio digne de ce nom, qui puisse s'accueillir avec des matériels qui marchent, des câbles qui fonctionnent et des micros qui soient pas rayés de partout. C'est vraiment important, je pense, de contribuer au développement des artistes comme ça, qui est un univers dans lequel ils puissent s'épanouir sans problème. Merci. Il faut meubler encore ou quoi? C'est bon? Non, ça va. Comment t'en restes? C'est nickel. Tu me dis, hein, s'il faut que je dise encore des trucs. Comme toutes les émissions de Tortoli Herb Attack, on va finir par un classique. Un classique qui fait référence, qui est un petit peu symétrique, j'ai envie de dire, au générique, puisque le générique. Quelque chose d'ignominique. Le générique ignominique, c'était quoi? C'était les experts, ça faisait. Et celui-là va faire aussi. Le classique fera aussi. Mais peut-être un peu plus rapide. Ouais. C'est ça. Et le nom du groupe, c'est quoi? The 5678. Ah, en anglais c'est ça. Ok, d'accord. Fucking bilingue. Ça c'est quelque chose de classe d'avoir dans son staff quelqu'un qui puisse maîtriser de langue vivante afin de. Merci. Ah voilà, merci. Ah, là je suis mieux là. Ah, nous sommes de retour. Ça va très bien. La lumière rouge s'allume. Je filme. Voilà. C'est donc la fin de cette émission. Tortoli Herb Attack spécial expert. On remercie notre expert. Voilà. Si tu veux nous dire merci. Oui. Voilà. Très bien. Ça fait plaisir. Très bien. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Juste après c'est G-Boutique et la semaine prochaine c'est à 17h et c'est un. Fais gaffe, je suis pas cool, je suis un LV allemand. C'est G-Boutique tout de suite et c'est un spécial Colombie. D'ailleurs, ils reçoivent la Shiva Gantiva et j'espère qu'ils leur passeront le bonjour de notre part puisqu'on les avait vus à Couleur Café l'année dernière. Donc voilà, ce sera la Shiva Gantiva avec G-Boutique sur le 105.4, bien sûr. Je suis pas cool, je suis LV allemand. Fais gaffe, je suis pas cool. On se quitte sur le classique. Sur LV allemand. On vous laisse une semaine. Pour aller pétasser tranquillement en terrasse, rejoignez-nous la semaine prochaine dès 17h de mardi. De manière ignominique. Tranquille. Tortoli Herb Attack tous les mardis 17h, 18h. T'es au courant? Tiens à vous les bouseux. On va pas s'engueuler pour ça. Au revoir.